بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا اليوم أولا أن تكتب جمل مع الكلمات إسعاف ومنتصف وبيضاء وبطن والنجاح وكيل. اتصل إبراهيم بالإسحاف. نعم. بطن. عندي ألم في البطن. عندي إيش؟ عندي ألم. ألم ألمون. ألمون. عندي ألم في البطن. ما في مد. ألمون. عندي ألم في البطن. نعم. ثالثا منتصف. نحن في منتصف الكتاب. منتصفي. منتصف الكتاب. Je voulais dire ça dans la moitié du livre. Je sais pas si, comme je dis la dernière fois, je sais pas si منتصف c'est spécifique au lieu ou au temps. لكن سنشوف إن شاء الله. طيب، رابعا النجاح. يحب النجاح. من؟ إن شاء الله يحب النجاح. أحب النجاح. طيب، خامسا بيضاء. الصحف بيضاء. Je ne sais pas, là, riche, tu vois, le mot, il est moelleux, non ? Cash. Beidra. Parce qu'en français, ouais, c'est ça le truc. En français, on dit blanche. Ah ouais ? Fraîche. Et là, donc là, on dit quoi ? On dit, est-ce soufouf ? Les pages sont blanches, je veux dire. Non ? Comme ça ? Kale. سعيد يريد كيل روز جريف كيلو روز دابا كيل سي با ان كيلو une mesure كيل سي une mesure mais elle est pas définie. Tu peux pas dire كيل. C'est-à-dire, je peux pas dire à quelqu'un là, ça existe pas كيل une mesure. Ah, كيل c'est une façon de faire. Parce que si tu dis je veux quelqu'un, je veux jouer un poids de riz. Combien poids? Quel poids? Moi je pensais que en arabe ça se disait, tu vois. Là. Par exemple, je te donne un exemple de Kael, comme pour Zakat al-Fitr. C'est quoi qu'on dit? Combien on donne? C'est quoi qu'on donne? Zakat al-Fitr. C'est 4 comme ça. Comme ça. Masmoura là. C'est ça. Ah ouais. Ah des jumla. Tu changes Kayl par ça. Ouridou ça. Alba. Là, reste en moufrad. Rabia. Reste en moufrad. Mais pas 4, mais un seul. Ah, d'accord. Saïd, Yuridou, Assar, Rouze. Je ne sais pas combien. Assar, 1 kilo de. Assar, kilo. Assar, Rouzine. Assar, Rouzine. Assar, Moudof, Rouze, Moudof, il est. Non, Assar, Rouzine. Est-ce que le cas de Kalimed ? Mamana, Hawala, Yuhawilou. Transformer aussi, non? J'ai vu que des fois tu disais. Non, c'est tiré dans. Qu'est-ce que c'est? Service. Un service. Al-Batiniya.

Donc, comment vas-tu maintenant, actuellement, au Omar? Donc, dis je vais bien et la louange est à Allah, je te remercie pour ta visite ou pour la visite. Donc, as-tu fait certains examens, certains tests, analyses? Non. نعم أجريت أجريت تحليلا للدم للدم في المختبر. Donc il fait oui, j'ai fait une analyse sanguine pour le laboratoire. وهل ظهرت وهل ظهرت لا. C'est pas ظهرت. انظر. هل ظهر. أيوة. هل ظهرت. لا. أنا الفاعل. يا. هل ظهرت النتيجة؟ لا. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. ظهرت. La malaria dans le sang. Et quel médicament l'offre obligé de traduire par prescrire? Pas mal. On ne va pas dire décider ou quoi. Là, on oublie de nous mettre en français par prescrire. Donc, quel médicament a prescrit le médecin? Bardul Hokan. Donc il dit certains cachets et certaines injections. Hubub, c'est le jam de Habba. Hubub, c'est le jam de Habba. Donc certains cachets et certaines injections. Et comment tu les utilises, comment tu les emploies? Yomiyan. Nam. وحقنتان في العضد في العضد وحقنتان أو حقنة حقنتة لا وتم التنوين وتجي عين الحقنة وحقنتان في العضد كل يوم. Donc il dit je prends deux cachets trois fois par jour. Yomien c'est par jour en fait quotidiennement. Et une injection dans le muscle chaque jour. حقنة في العضد une injection dans le muscle كل يوم. Tous les jours, quoi, chaque jour en fait. Et Yaoumian, c'est chaque jour aussi? Non, en fait c'est quotidiennement, ça se dirait. C'est Yaoumian, hein? Non. Mais c'est le même sens en fait. Yaoumian ou Kulle Yaoum, c'est le même sens. Hoffman? Shafak Allah. Non. Amin. طيب. On peut pas utiliser Oui, je pense que tu peux l'employer. Non, si tu dis ça, ça va être compris, Inch'Allah. Mais le mieux, c'est que tu dis ça. Ben moi, là, c'est la première fois que. Parce qu'en fait, Ajara, là, ça fait comme Ijara'at. Ijara'at, on l'avait pris au début. Formalité. En fait, c'est le masdar ijra'a de ajra qui veut dire faire des formalités. Donc, tel que. Dans le dictionnaire, mener une enquête. Mener une enquête. Donc, tu vois, là, ce serait. Ce que tu as fait d'un examen, quoi. Ou faire courir. Ah, c'est ça aussi. Le sens d'origine serait faire courir. Mais... Donc, là, on va dire, c'est peut-être plus subtil, tu vois, c'est plus précis. Mais si ils écoutent à l'amilta bar de l'tahalil, ils ne m'ont pas compris. Ils ont compris. Donc, il y a un peu d'istami ou raddid. Maintenant, man yathkuruna, kif yakoun al-mufanna, le duel. Kif tafal? Al-lazi yadoul ala shay'ain. Kif tafal?

ربما غدا سنقول إقراء والنص كاملا parce qu'Iqra tout seul il est petit et le nas le درس aussi il est court. Il a pas de إقراء lui. Donc on va les mettre ensemble inchallah. Des fois t'en as qui l'ont, des fois qui l'ont pas. Et quand on dit des fois matah hadatha zalik, je dis ça en matah hadatha zalik, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que c'est passé? Ouais, non, quand est-ce Et je vous conseille pour, je pense que c'est Badradin, un tourajiou ahkam al-adad min al-kitab al-awwal, liman qad darasa. Que celui qui a déjà pris les règles des chiffres, kitab al-awwal, qui les révise, parce que ça va revenir là, dans deux cours. Et وَمَوْحِبْ أَنَّ فَلْ مَعَكُمْ كَنَكُمْ مَتَعْلِمُمْ وَلَا شَيْءٍ. J'ai pas envie de faire comme ça, vous savez rien du tout. Inch'Allah, vous avez déjà pris des bases. Là, ça va être une mouraja. Donc révisez-les maintenant, comme ça vous êtes préparés. Vous voyez ? Et puis lorsqu'il y a du Zayd, des choses qui ne sont pas dans le kitab awwal. C'est pas contraire parce qu'elle a été pris. Vous voyez ? Plus on passe rapidement pour s'en rappeler, pour pouvoir se concentrer sur le nouveau. Inch'Allah. Vous voyez ? Non. نعم طيب هنا والحمد لله رب العالمين